Votre sélection débutera après cette publicité. De la randonnée en montagne jusqu'à la croisière en mer, ou bien en descendant les rivières en canot avant de profiter d'un délicieux pique-nique sur la plage, les vacances en Gaspésie, c'est simplement le plus beau terrain de jeu du monde. En attendant de vous y voir, Tourisme Gaspésie vous souhaite bonne écoute. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le Canada à la Biennale de Venise. Nous essayons, dans les biennales, de faire une sélection qui permette de présenter des artistes dont les œuvres sont à ce moment-là, au moment où la biennale a lieu, parmi les plus représentatifs de l'art canadien. Il y a 2 ans, on a eu Michael Snow. Cette année, nous avons Gershon Iskovitz et Walter Redinger qui présentent un aspect tout à fait différent de l'art au Canada. Joseph Martin, le directeur adjoint de la Galerie nationale du Canada, comme on disait à l'époque, à l'émission L'Art aujourd'hui, en 1972, le Canada participe à la Biennale de Venise depuis 1952 et y a son propre pavillon depuis 1958. Au fil des ans, la Biennale de Venise a permis au Canada d'offrir une vitrine extraordinaire à ses plus grands artistes, Jean-Paul Riopel, Alex Colville, Guido Molinari, David Altmedge ou Geneviève Cadieux, ne sont que quelques-uns des artistes qui ont exposé leurs œuvres au pavillon du Canada à Venise. C'est important d'avoir un pavillon. Très peu de pays en ont un, une trentaine peut-être sur les 90 pays qui sont là. Et le symbolisme du pavillon, l'époque où il a été bâti et comment il était destiné à servir les artistes canadiens, c'est une histoire très intéressante. Il est situé dans un bois entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. In a wooded bower between Germany and Great Britain. The other thing, of course, is that Canada sees itself. L'autre chose, c'est comment le Canada se perçoit lui-même, un pays moderne avec une scène artistique moderne dans une ville comme Venise. Certainement l'un des plus grands centres culturels de tous les temps en Occident. One of the great cultural centers of all time in Western art, certainly. Marc Maillet, le directeur du Musée des Beaux-Arts du Canada, en mai 2018, au moment où rouvrait le pavillon du Canada à Venise à la suite d'importants travaux de restauration qui ont été faits, pour nous raconter l'histoire de ce pavillon du Canada à Venise, plus largement aussi l'histoire de la présence canadienne à la Biennale de Venise, je reçois Josée Drouin-Brisebois, qui est conservatrice principale en art contemporain au Musée des Beaux-Arts du Canada, qui connaît bien à la fois le pavillon du Canada à Venise et la Biennale de Venise elle-même. Josée Drouin-Brisebois, bonjour. Bonjour. C'est important, on l'entendait déjà avec cet extrait de Marc Maillet, de Joseph Martin. Les deux extraits allaient un peu dans le même sens. Cette Biennale, ce pavillon du Canada à Venise, c'est très, très important dans l'image que le Canada projette à l'étranger. C'est très, très important pour les artistes qui peuvent exposer à la Biennale de Venise. Parlez-moi de ça d'abord, de l'importance qu'ont eu à la fois la Biennale, le pavillon du Canada à Venise, dans le développement et dans le rayonnement de l'art canadien. C'est important parce que, comme M. Maillet l'a très bien dit, c'est notre opportunité de montrer ce qu'on fait, puis comment moderne on est, comment novateurs sont nos artistes. Et puis, pour moi, ce qui est intéressant, vraiment, c'est que c'est sur une échelle internationale. Donc, on peut regarder nos artistes d'une certaine façon dans le pays, puis une fois qu'on les voit sur la scène internationale, ça peut aussi changer comment on peut apprécier ces artistes. On pense, par exemple, à des musiciens, des chanteurs et quoi que ce soit, une fois qu'ils ont une certaine renommée à l'extérieur du pays, à l'étranger, qu'on peut les apprécier d'une autre façon. Donc, pour moi, il y a ce volet-là. On n'est jamais prophète en son pays. Quand on se retrouve à la Biennale de Venise, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance, absolument. C'est un lieu de haute diffusion de l'art. Et puis, c'est une opportunité incroyable aussi de rencontre avec d'autres pays, d'autres artistes. Le Canada, il participe donc à cette Biennale de Venise depuis 1952. Le pavillon canadien va être inauguré quelques années plus tard, en 1958. Parlons d'abord de cette période, les tout débuts, là, Josée Drouin-Brisebois. À quoi ça ressemble, ces premières années, avant qu'on ait notre propre pavillon? Je ne sais pas s'il y a des grandes différences, d'ailleurs, mais vous nous le direz. À quoi ça ressemble, ces premières années de présence canadienne à la Biennale de Venise? Dans les premières années, donc c'était par invitation, et puis comme on n'avait pas de pavillon, il n'y en avait que quelques-uns à ce moment-là, on avait la possibilité de présenter des œuvres, souvent des tableaux, dans une salle, dans un grand pavillon qui s'appelait le pavillon italien. Maintenant, c'est le pavillon international. Et donc, on avait beaucoup moins de contrôle. On était assigné à une salle et puis là, on pouvait monter les tableaux et tout. Mais dans le fond, on ne pouvait pas vraiment décider de l'ampleur de notre présence. Un peu noyé. Un peu aussi anecdotique, je pourrais dire. Puis d'une autre façon aussi, c'est que l'invitation n'était pas assurée. Donc, c'était chaque année ou chaque deux ans, je devrais dire, ça se pouvait qu'on ne soit plus à la prochaine biennale. Donc, le pavillon changeait cet élément-là, donc venait garantir que les artistes devaient avoir un endroit pour présenter les œuvres. Donc, en 1952, 22 tableaux ont été présentés. Emily Carr, David Milne, Goodridge Roberts, puis Alfred Bellan. Dans une petite salle du pavillon italien. Et puis, à ce moment-là, c'est le directeur du musée, Harry McCurry, qui a vraiment vu l'importance, le prestige qui était la Biennale de Venise, puis l'importance aussi pour le Canada d'avoir accès à un endroit où est-ce qu'ils peuvent diffuser. On peut diffuser la voix des artistes d'ici. Donc, en 1958, on décide, puis vous nous avez déjà donné un bon indice, cette présence, l'assurance d'une présence au Biennale aux deux ans à Venise, ça fait partie de la décision du Canada de se doter de son propre pavillon. Mais ça s'inscrit dans un contexte plus large. Il y a différentes raisons, il y a un contexte politique. Pourquoi le Canada décide d'avoir un pavillon à Venise? Je pense que ça venait vraiment répondre aux recommandations qu'il y avait dans la commission Massy, le rapport de la commission Massy. Entre autres, de miser sur l'importance de la création artistique, du rayonnement de l'identité du Canada sur la scène internationale. Donc, ça venait répondre un peu à cette recommandation qui était importante et puis que le musée prenait à cœur. En même temps, il y avait une nouvelle relation entre le Canada et l'Italie qui était forgée. Et puis pour moi, c'est cet élément-là qui est le plus intéressant en termes de l'historique du début du pavillon. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, l'armée canadienne avait été très importante, avait contribué énormément pour la libération, l'aide humanitaire à la population en Italie après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il y avait eu une entente pour redonner des fonds. On appelait ça les fonds bloqués. Donc, l'Italie devait de l'argent au Canada, on va dire. Et puis... En compensation de cette aide reçue. Exactement, ouais. pour l'aide humanitaire. Et puis, selon les recommandations encore de la commission Massy, ces fonds-là devaient être utilisés pour des échanges culturels. Donc, quel meilleur échange culturel que de construire un pavillon à la plus grande exposition biennale au monde. Et puis, en même temps, de travailler avec un architecte italien. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un peu le début. C'est le pourquoi qu'on a travaillé aussi avec un architecte italien. Parce qu'en fait, cet argent, c'est les Italiens. Donc, c'est ces sommes, ces fonds bloqués qui sont une façon de rembourser, entre guillemets, le Canada pour sa participation militaire, humanitaire à la Seconde Guerre mondiale et à la libération, la campagne d'Italie, ce que ça a voulu dire. Donc, l'Italie remet, en fait, de l'argent aux Canadiens. Ça va donner cette idée de pavillon à Venise, mais la condition pour les Italiens, c'est qu'il faut que ce soit des Italiens qui construisent le pavillon. Exactement. Donc, c'est ça. C'est des lires qu'on reçoit. Donc, il faut que ça soit dépensé dans le pays, justement, pour que ça soit vraiment un échange. Donc, c'est que ça aide les Canadiens, mais en Italie. Et c'est ce qui fait qu'on va choisir une firme qui, à ce moment-là, n'est pas n'importe quelle firme quand même. Parlons un petit peu de ça. Là, à partir du moment où on décide de construire un pavillon, à quoi va ressembler ce pavillon? Puis quelle est la petite histoire autour de la construction du pavillon? Donc, c'est Donald Buchanan, en 1955, qui donne la commande à Perissuti, qui est un des membres, un architecte de la firme BBPR, qui est une firme très reconnue à Milan. Qui a été fondée en 1932, qui ont fait plusieurs projets à Milan, entre autres, et puis qui ont participé aussi à la réflexion sur l'architecture après la Seconde Guerre mondiale, surtout en Italie. Donc ça, c'est toute une autre émission de parler par exemple, l'architecture fasciste et tout ça. Donc il y a vraiment des différentes écoles de pensée. Puis pour BBPR, ce qui était important, c'était d'avoir quelque chose d'humaniste. Donc, il voulait avoir un pavillon modeste qui aussi faisait référence aux cultures locales, donc la façon qu'on construisait à Venise, par exemple. Donc, c'est ce qu'on peut ressentir dans le pavillon. On voit, par exemple, le toit à l'intérieur, le plafond est en bois. Ça ressemble à un navire. Le plancher est en terrazzo, fait de morceaux de marbre qui ont été polis. Donc, on ressent vraiment qu'on est en Italie. Et puis, à ce moment-là, le Musée des Beaux-Arts du Canada était très intéressé à l'architecture moderne. Donc, aussi, l'intérêt pour avoir un pavillon différent. Donc, on ne voulait pas un cube blanc. On ne voulait pas avoir quelque chose qui ressemblait à un musée. Mais quelque chose qui était beaucoup plus dynamique. Donc, c'était vraiment une œuvre d'art. C'est un pavillon qui est plus petit que ses deux voisins, par exemple, le pavillon britannique ou le pavillon allemand. C'est comme, on en parle souvent, comme vous me corrigerez, comme très fenestré, l'intégration, on voit la nature quand on est dans le pavillon, beaucoup de fenêtres, une espèce de corridor en demi-cercle, c'est un peu ça. Oui, donc c'est basé sur l'idée d'une spirale. Puis, ils avaient utilisé la spirale d'Archimède, justement, dans plusieurs de leurs pavillons auparavant. Donc, il y a une continuité avec le travail de BBPA de ce côté-là. Et puis, il y a beaucoup de lumière qui entre. Donc, pour moi, c'est justement un pavillon d'espoir. Ouais. Parce que si on parle après la Seconde Guerre mondiale, comment on peut s'affirmer? Comment on peut aussi communiquer qu'on est des humains puis qu'on devrait travailler ensemble? Donc, l'échelle qui a souvent été contesté du pavillon est quelque chose pour moi qui est très important. Justement, ça nous ramène au fait qu'on est humain. Et si on pense aussi au contexte d'Italien, c'était très important de se remettre et de ne pas faire quelque chose qui était nécessairement une grande piazza ou quelque chose qui a une ampleur autre. Si on pense entre autres, au pavillon allemand, il avait été reconstruit et inauguré par Hitler en 1936. Donc ça, c'est notre voisin. Ouais. Et notre architecture est antifasciste. Donc, il y a un côté important ici, dans le côté historique et symbolique. Mais ces choix-là font qu'on a un pavillon qui est en soi une œuvre d'art, ça c'est très bien, qui se distingue sur le plan architectural, mais qui est relativement petit, où quand on expose des tableaux, on cherche des murs ou les accrocher, entre autres. C'est presque un aquarium, il y a des fenêtres partout. C'est une espèce de couloir en spirale, comme vous le disiez. Et ça va poser énormément de contraintes, de difficultés aux différents artistes qui vont être invités à exposer au pavillon canadien à la Biennale de Venise. On écoute l'un de ces artistes, le sculpteur Michel Goulet, qui en parle donc des difficultés posées par le pavillon du Canada à Venise au critique d'art Gilles Daigneault à l'émission Présence de l'art en août 1988. Un de ces problèmes à première vue, et ça c'est si on le compare au pavillon allemand qui est à côté de nous et au pavillon anglais qui est derrière nous, ce sont ses dimensions. Évidemment, les petits. Il est petit, il est assez complexe à l'intérieur, il ne permet pas d'avoir d'installation très grande parce que l'espace est pas très large. C'est un long couloir presque en demi-cercle avec des murs à angle toujours. Un espace très difficile à occuper. Bon. Un problème pour un sculpteur, j'imagine, c'est que cette bâtisse-là, quand on la voit à première vue, elle a l'air elle-même d'une sculpture. Exactement. Elle a été construite d'ailleurs il y a 30 ans, un peu comme la découverte des structures apparentes et en même temps des sculptures construites. C'est donc installer de la sculpture à l'intérieur d'une sculpture. Bon, à partir de ça, vous vous êtes dit, alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des œuvres qui tiennent compte de cette architecture-là ou si j'allais avec des choses complètement autonomes? Exactement. Et je pense qu'il faut faire oublier le pavillon comme tel, l'édifice. Il faut arriver avec des sculptures qui sont des points de mire où que les gens regardent les choses plutôt que regarder le bâtiment parce qu'il est trop occupant pour l'œil. Alors, quel défi ça va poser pour les artistes qui vont exposer au pavillon canadien à la Biennale de Venise, cette architecture du pavillon canadien, José Drouin-Brisebois? On entendait Michel Goulet, mais en préparant l'émission, j'entendais Geneviève Cadieux. Plein d'autres artistes se sont plaints de ça. Oui, absolument. J'en suis très consciente. Moi, je veux dire, j'ai eu la chance de travailler dans le pavillon à quelques reprises. Je suis venue à aimer le pavillon, mais c'est sûr qu'au tout début, c'est difficile parce que c'est pas un espace habituel. Et puis, si on pense aussi, on parlait justement dans les années 50, quand la commande a passé, 1958 et tout ça, le pavillon a été construit pour les œuvres qui existaient à ce moment-là. Oui. Donc, c'était des petits tableaux, c'était des petites sculptures et l'art contemporain a changé beaucoup. On parle maintenant de photos, de sculptures grand format. On a parlé, tu sais, Michel Goulet justement parle de ces sculptures, d'installations, de vidéos et cinéma. Donc, l'art contemporain a changé. Oui. Et le pavillon n'a pas changé. Donc, il y a comme une tension qui existe entre les pratiques artistiques et puis le pavillon comme tel. Mais il y a certains artistes qui ont vraiment réussi à faire des choses extraordinaires parce que c'est une contrainte. Puis, pour moi, c'est toujours un moment intéressant de voir comment l'artiste peut penser autrement. Puis Geneviève Cadieux, c'est un excellent exemple parce qu'elle a utilisé le bâtiment comme un cadre. Donc, l'architecture faisait partie de... Elle a vraiment utilisé aussi comme une sculpture. Donc, sa photo était à l'extérieur et puis elle a forcé un autre genre de relation avec travailler le pavillon. Travailler en fonction du pavillon. Exactement. Dans son cas, carrément fabriquer, travailler à une œuvre d'art qui n'existait pas, qu'elle a faite pour le pavillon pour le de Venise. Oui, oui. Le temps file rapidement, mais 58, donc, c'est le début, c'est l'inauguration du pavillon canadien. Si on regarde un peu, je ne sais pas moi, 58, 68... On remonte le fil du temps. Qu'est-ce qu'on présentait en 58 dans les premières années au pavillon, puis comment ça va évoluer au fil du temps? C'était des expositions de groupe, donc il y avait beaucoup le côté national. Donc comment est-ce qu'on représente un pays aussi énorme que le Canada? Et puis aussi l'importance d'avoir l'art novateur, donc le côté de l'art moderne. Donc James Wilson Morris, c'était un des premiers artistes qui a été présenté avec Anne Cahane, il y avait Jack Nichols et puis Jacques de Tonancourt. Donc la première exposition en 58 montre un peu un genre de sampling de ce qui se passe au Canada dans différentes pratiques, différentes écoles de pensée aussi. Le meilleur de ce qu'on a fait. Morris est probablement mort même déjà à ce moment-là. James Morris. Donc, le meilleur de ce qu'on a fait. On arrive dans notre pavillon. Oui. Puis, pour Morris, c'était une petite rétrospective aussi. Oui. Donc, pour le directeur du Musée des beaux-arts du Canada à ce moment-là, Alan Jarvis, c'était le début de l'art moderne au Canada. Donc, c'était très important de signaler cette importance à l'étranger. Et suite à ça, il y a eu plusieurs expositions de groupe. Souvent encore, ces artistes qui n'avaient pas nécessairement des liens. Plutôt vraiment montrer la diversité des pratiques artistiques. Et puis en 68, ça change. Donc, le commissaire de cette année-là, c'est Bryden Smith, toujours du Musée des beaux-arts du Canada. Et puis, lui a décidé de miser sur deux pratiques artistiques. Donc, il y a Guido Molinari et puis Ulysse Comtois. C'est des jeunes pratiques artistiques qui viennent du même milieu, donc de Montréal. Et il a compris... Un peintre, un sculpteur. Un peintre, un sculpteur. Et puis... des artistes qui sont aussi très intéressés à l'expérience de leurs œuvres en termes de l'espace, la couleur aussi. Avec Ulysse Comtois, souvent on peut manier ces sculptures comme telles. Et puis, Bryden a compris ce que les architectes pensaient. C'était vraiment de créer un espace dynamique pour les visiteurs. Donc, on a enlevé plein de choses à l'intérieur du pavillon parce que souvent, il y avait d'autres murs qui avaient été insérés pour justement qu'il y ait plus de place pour les tableaux. On avait même mis des panneaux sur les vitres pour encore avoir plus de place. Là, il enlève tout ça. Puis, on voit vraiment le trajet du visiteur à l'intérieur du pavillon. Et pour moi, c'est le moment magique où est-ce qu'on comprend l'idée derrière, que c'était vraiment d'avoir un mouvement à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que dans le pavillon aussi, il y a un arbre. Ouais. Donc, il y a des choses, il y a vraiment un lien. On parle de la transparence, mais il y a aussi cette relation importante avec la nature. Et ça ne jouait pas contre l'exposition dans ce cas-là. Donc, ne plus se battre contre le pavillon, mais essayer de travailler en fonction du pavillon. Moins d'artistes, ce sera des expositions un artiste, deux artistes, alors que c'était des collectifs dans les premières années. Ça, c'est des grands changements. Là, ça commence... Il y a appel déjà en 62 à une exposition solo, mais oui. Sinon, c'est en 68 qu'il y a ce virage-là. Oui, puis Michael Snow en 70, c'est aussi juste un artiste. Un artiste. Souvent, après, ça a été des paires d'artistes ouais. Jusqu'aux années 90. Un petit mot sur le choix des artistes. Qui qui sont exposés. Mm-hmm. Vous avez été vous-même pendant une dizaine d'années impliqué dans ce processus-là. Ça ne doit pas être simple. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit que ce soit tel ou tel artiste qui soit à Venise? Bien sûr, c'est un comité. Donc, on a des gens qui viennent siéger sur le comité de sélection. Donc, ce n'est pas juste moi. Mais on pense beaucoup aux pratiques novatrices. On pense beaucoup à ce qu'on veut dire au monde. Et des artistes qui ont aussi, qui ont des pratiques expérimentales ou qui pourraient vraiment bénéficier d'avoir cette plateforme, d'être sur cette scène internationale. On pense aussi au pavillon. Mm-hmm. On pense aussi à des artistes qui pourraient travailler de façon intéressante dans le pavillon, qui n'est pas toujours facile. On va un peu boucler la boucle. Au tout début de l'émission, on entendait le directeur du Musée des beaux-arts du Canada, Marc Maillet, en mai 2018, au moment où on rouvrait les portes du pavillon du Canada à Venise, qui venait de terminer des rénovations importantes. On écoute au même moment, à Venise, en mai 2018, le grand architecte canadien d'origine autochtone, Douglas Cardinal, qui nous parle. On va boucler la boucle. On va terminer cette émission avec ce nouvel écran qu'on a à Venise, le Canada. Donc, on écoute Douglas Cardinal nous parler de l'architecture de ce pavillon canadien à Venise. When I saw the Canadian Pavilion, I saw that it was more in keeping to... En voyant le pavillon du Canada, j'ai senti qu'il était davantage cohérent avec notre façon de penser, qu'il tenait compte de l'environnement naturel où il se trouve, qui est un bel endroit, près de l'eau, avec beaucoup d'arbres. Et je crois que l'édifice, avec sa forme et ses matériaux, a un design plus organique, qui s'accorde au site et à l'environnement. Je crois qu'ils ont certainement été influencés par des gens qui avaient une approche organique de l'architecture, ce qui fait que l'édifice s'accorde davantage avec son environnement. Following an organic approach to architecture, which related the building to the environment in which it sits. Que dire de ce nouvel écrin de l'art canadien à la Biennale de Venise, José Drouin-Brisebois? On va voir. Il y a aussi l'aménagement paysager qui a été fait par Cornelia Han Oberlander, qui est important aussi à souligner parce qu'il y a une plateforme maintenant derrière le pavillon. On peut voir le pavillon, donc il est encore plus sculptural qu'avant. Il y a moins d'arbres alentour, donc déjà là, on voit beaucoup mieux la forme et on peut voir la lagune. Donc, il y a la possibilité de performance, il y a la possibilité de toutes sortes d'animations à l'extérieur aussi du pavillon maintenant, et ainsi qu'à l'intérieur. Et maintenant, tout est beau, tout fonctionne très bien, il n'y a plus de fuite. Mais le geste architectural d'origine, on l'a respecté. C'est le même pavillon qu'on a remis au goût du jour. Avec peut-être une attention plus grande à ce qui l'entourait. Les Italiens adorent le pavillon. C'était très clair pour moi. Il y a tellement d'étudiants d'architecture qui viennent le voir, le visiter. C'est comme un pèlerinage. Donc, c'est très difficile ensuite de changer un pavillon qui a une importance symbolique, une importance aussi à deux pays qui fait partie d'un échange culturel. Donc, pour moi, cette approche de vraiment le valoriser en créant cette plateforme, où est-ce qu'on peut le voir, on peut marcher alentour maintenant, on comprend un peu mieux la relation, le contexte avec l'environnement et avec Venise. C'était le meilleur geste. José Drouin-Brisebois, conservatrice principale en art contemporain au Musée des beaux-arts du Canada, merci beaucoup. Merci à toi. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.